Je ne sais ce qui se passe en moi. Tout s'est embrouillé tout d'une fois. Mes insomnies sont dues à parce que je suis amoureux fou de toi. Je ne sais trop bien m'expliquer le pourquoi. L'amour c'est tant de choses à la fois. Je ne sais ce qui me prend d'avoir froid. Est-ce le manque de sommeil ou toi? J'écoute la musique qui me balance et le claquement sec du feu de bois. Je vide ma bouteille de vin, tellement j'ai soif, j'en conviens. Au dehors, mon chien gambade le jardin à cette heure hâtive du matin. Et je suis là et non lasse à t'écrire quelques mots d'amour. Se lève le jour. Je ne sais ce qui se passe en moi. Tout s'est embrouillé tout d'une fois. Mes insomnies sont dues à parce que je suis amoureux fou de toi. Je ne sais trop bien n'expliquer le pourquoi. L'amour c'est tant de choses à la fois. Je ne sais ce qui me prend d'avoir froid. Est-ce le manque de sommeil ou toi? Plus d'un million de frissons me parcourent au bas des reins et je ne sais ce qui me retient. C'est dans le creux des oreilles qu'a comme un millier d'abeilles qui butinent le cœur de l'ombelle. Les bûches qui me restent se consument et le feu doucement s'éteint. J'allume ma cigarette que je fume et rêve que dans tes bras je m'étreins. Je ne sais ce qui se passe en moi. Tout s'est embrouillé tout d'une fois. Mes insomnies sont dues à parce que je suis amoureux fou de toi. Je ne sais trop bien m'expliquer pourquoi l'amour c'est tant de choses à la fois. Je ne sais ce qui me prend d'avoir froid. Est-ce le manque de sommeil ou toi? Je me retrouve posé debout sur le tapis tendu sur le plancher de ma chambre à coucher. Et je me demande alors avec laquelle, puisque j'étais seul, j'ai couché. Avec laquelle j'ai fait l'amour avec tant de fièvre et tant d'ivresse. Je ne sais ce qui se passe en moi. Tout s'est embrouillé tout d'une fois. Mes insomnies sont dues à parce que je suis amoureux fou de toi. Je ne sais trop bien m'expliquer pourquoi l'amour c'est tant de choses à la fois. Je le sais, ce qui me prend d'avoir froid, c'est l'amour, ça va de soi.